Épreuve blanche 2. 1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Vous allez entendre deux fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. Le train TGV numéro 8756 à destination de Lorient partira à 9h06, quai 7. Le train TGV numéro 8756 à destination de Lorient partira à 9h06, quai 7.